مسألة العذر بالجهل. يا أخانا موسى اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال لا يعذر في المسائل الظاهرة أي المبينة الواضحة، لا يعذر بجهله. طيب، واستدلوا بأدلة، تذكر أدلة القوم؟ آيات في القرآن من سورة التوبة. في سورة التوبة ما هو الآية؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد لا تحتسبوا قد أخسرتم بعد إيمانكم. أحسنت، نعم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، وهذا يعني أفرح ما في هذا الباب، يعني c'est le dalil le plus fort pour les savants qui sont de l'avis que la personne n'est pas excusée par l'ignorance dans les points relatifs aux masail ma'louma min ad-din bid-darura. C'est dans les points qui sont connus ou qui devraient être connus de tout un chacun parmi les musulmans. Na'am. والذين يقولون بالعذر بالجهل مطلقا ما دليلهم؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى وقف العذاب على ماذا؟ على البلاغ. نعم، ورتب العذاب بعد بلوغ الحجة، بلوغ قيام الحجة. نعم، فنحن ما زلنا في ذكر أقوال أهل العلم من الذين يرون أن العذر بالجهل يعني سائر كذلك في المسائل الظاهرة. نعم، donc on avait lu la parole de Cheikh Mokbel, c'est ça, la dernière parole. Karana, Karana, Karana. Et le marji' de la parole de Cheikh Mokbel, parce qu'on avait oublié de le citer, c'est yani Gharat al-Ashriqa, Kitab Gharat al-Ashriqa. نعم، المجلد الثاني والصفحة 447. نعم. طيب، وقال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أدواء البيان عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. نعم، دونك كان كذلك الإمام الشنقيطي صاحب كتاب التفسير أبو البيان يرى أن الإنسان يعذر بجهله حتى في مسائل التوحيد والشرك. Donc là, le Cheikh Shinqidi dit que le sens apparent de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie aucune personne parmi ses créatures, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, avant que lui parvienne un messager qui l'avertit et qui le met en garde. suite à cela, il désobéit à ce messager et il continue dans sa mécréance et dans ses péchés après avoir été averti et mis en garde. Non. وقال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قول القائلين بعدم العذر بالجهل أنه قول ضعيف. الشيخ العثيمين يرى أن هذا القول قول ضعيف، وكلام الأئمة على خلاف القول بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر. نعم. و donc il dit là et la plupart des paroles des أئمة des imams elles vont dans le sens où que dans le sens يعني qui dans le sens يعني طيب وكلام الأئمة على خلاف القول يعني la parole des أئمة elles vont dans le sens contraire de la parole qui dit que ils ne sont pas pardonnés par leur ignorance ceux qui sont tombés dans les choses qui sont connues de tout un chacun parmi les musulmans. Non. Ils ne sont pas pardonnés par leur ignorance si toutefois ils vivent en terre d'islam. Non. طيب وكلام شيخ الإسلام ثم قال شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مملوءة بذلك وكلام شيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا يعني أنه لا يعذر بالجهل. Donc Cheikh l'imam Ibn Taymiyyah wa kadhalika Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, eux ils ne voient pas que la personne, si elle tombe dans ses dans une contradiction avec des choses qui sont ma'louma min ad-din bid darura, elle ne voit pas, ces gens-là ne voient pas que il est excusable par son ignorance. Si toutefois il vit en terre d'islam. Si toutefois il vient en terre d'islam. Non. طيب. قال وأنكرت عليهم كونهم يعذرون بالجهل من ترك الصلاة ولا يعذرون من سجد لغير الله فما الفرق بين هذا وهذا؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية il dit que celui qui a laissé la prière takasulan. Yani takasulan wa jahlan. Il ne sait pas que la prière c'est obligatoire. Ils disent yani yu'dar bil jahl fi hadhihi al mas'ala. Et Cheikh al-Uthaymeen il s'étonne, il dit mais comment là ils disent qu'il est excusable par l'ignorance. Et si on lui dit il s'est prosterné devant une tombe ou quoi. Il va dire là, il n'est pas excusable par son ignorance. Alors que la salat, ça fait partie des piliers de l'islam. C'est ma'loum ibn ad-din bid-darura. Donc là, s'ils l'ont excusé, ils doivent l'excuser aussi dans cette mas'ala. Vous comprenez ? ثم قال أما العذر بالجهل فهو مقتضى النصوص ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل. C'est marqué بدليل. C'est بدليل. نعم لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل أبدا أبدا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وماذا ثم قال ولولا العذر بالجهل لم يكن في إرسال الرسل فائدة. Il dit si c'était pas parce que les gens ils sont excusables par leur ignorance, il y aurait pas d'intérêt à envoyer des messagers. Ça c'est une calomnie de qui? Cheikh Al-Uthaymeen. Non. Cheikh Al-Uthaymeen. طيب bien que Cheikh Al-Uthaymeen هذه المسألة si vous cherchez un peu partout dans les cassettes ou dans les livres ou dans les même sur internet, vous allez voir qu'il a des paroles qui indiquent qu'il voit l'udhr bil jahl et d'autres paroles qui indiquent qu'il ne voit pas l'udhr bil jahl. Madalan, si tu lui demandes fi masalat sab Allah, celui qui insulte Allah, hal yu'dhar bil jahl? Et dans une cassette, il dit hal yujhal 'azamat ar-rabb? est-ce qu'on peut être ignorant de la grandeur du Seigneur ? Donc il dit dans cette cassette comme quoi mais Inch'Allah, à la fin de là j'évoque les paroles et à la fin on va faire un moulakhas bien comme il faut. Al-Muhim, vous retenez que Cheikh Al-Uthaymeen, min hayth al-umum, dans son global, il voit que la personne, quoi qu'il arrive, même si elle est en terre d'islam, et même si elle vient à tomber dans des choses qui sont ma'loum à min ad-din bid-darura, elle est excusée par son ignorance. Ça va ? Wa qala al-imam, al-Cheikh al-Albani, na'am, wa kama ذكرت لكم آنفا أو كثيرا يعني الشيخ يحيى كان يرى أن الشيخ الألباني هو يعني إمام عصره ليس هناك أحد أعلم منه نعم فلما نذكر كأقوال الإمام الألباني يعني تثقل في الميزان كلام الألباني مهما يكون يعني في المجتمع يعني في مجتمع الطلاب يعني طلاب العلم يعتبرون كلامه لأنه إمام عصره ولا وكما قال الشيخ يحيى ما نعلم يعني أعلم منه لا في الحديث ولا في غيره. طيب قال سئل ما هو الضابط بالنسبة للعذر بالجهل بالتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة هذا العذر. Donc on lui a demandé c'est quoi la limite en fonction du point sur يعني العذر بالجهل dans au sujet du tawhid. Et est-ce que la lecture du Coran suffit pour dissiper ce udr. Parce qu'il y a une parole qui est connue de Cheikh Al-Fawzan qui dit celui dont le Coran lui est parvenu, فقط أقيمت عليه الحجة. Donc le fait qu'il ait écouté le Coran, خلاص قامت عليه الحجة. نعم. Et donc, ça c'est la question qui est posée à Cheikh Al-Albani. Il dit, أولاً الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولاً ويفهمه ثانياً أو كان يقرأه ولا يفهمه أولاً أو لا ويحسن أو لا يحسن لا فهمه لا فهمه ولا قراءته فالضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح. Donc là Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Al-Albani l'expliquent. Yani qu'il connaisse, qu'il soit connaisseur de la récitation du Coran ainsi que de son sens ou non. C'est-à-dire qu'il connaisse la lecture ou qui ne connaissent pas la lecture et qui connaissent son sens ou qui ne connaissent pas, le regard il va pas se porter sur ça. Le regard il va se porter sur est-ce que la personne elle vit dans un environnement islamique authentique. وتأمل كلام إسلامي صحيح. Tu vois, il faut méditer sur la parole quand on te dit إسلامي صحيح. Bah, يعني في آخر الكلام لو et à la fin de sa parole, il a un bon bayan sur ce mot-là. قال وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. Donc, et les croyances dans ce climat, dans cet environnement islamique. Dans cet environnement islamique authentique, c'est les croyances, elles sont répandues, tu vois, elles sont propagées. C'est quelque chose jusqu'à tellement c'est répandu dans cet endroit, c'est presque inconcevable de ne pas les connaître. نعم. ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد، وأن الذئب سطى على الغنم. لا يبقى كان حديث. سبحان الله، حديث معلوم لديكم كثيرا. Mais comment il va venir pour comment il va extirper la faïda du hadith, c'est vraiment يعني عجيب. تدل على قوة فهمه وكذلك قوة علمه. Donc il dit le hadith d'Al-Jariya, le hadith de la servante qui était partie paître les moutons de son maître vers la montagne de Uhud. Un loup est venu et a pris l'une de ses bêtes. فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله. Donc l'homme il va dire, lorsque l'homme il a entendu qu'il y a des moutons qui ont été mangés par le loup, قال يعني أغضب كما يغضب البشر فسكتها سكتا. Donc la personne qui raconte le hadith, il dit quand ça m'est venu, c'est-à-dire le maître de cette servante, quand ça m'est venu l'information qu'elle a perdu ou qu'il y a un de mes moutons qui est mort, je me suis énervé comme s'énerve l'être humain. Et je l'ai giflé. نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم bon. Le problème c'est qu'il y a plein de fautes de frappe là. ويقول طيب فأمره مباشرة فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بها. Et donc le prophète sallam il a demandé à cette personne de venir avec cette servante. فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. Il lui a dit où est Allah? نعم. Où est Allah? Elle a dit au-dessus des cieux. Et lui a dit qui je suis? Elle lui a dit Anta, tu es le messager d'Allah. نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. Donc le prophète ensuite il dit à cet homme-là, affranchis-la car elle est croyante. الشاهد من الحديث. Qui c'est qui peut nous sortir le شاهد du hadith? ويقول ان الجاريه ما يحضر ما تحضر الدروس ولا احسن ولكن الجو الاسلامي انتشر في العقيده صحيحه و نعم فهذه جاريه c'est une bergère. Elle ne se sent pas dans la mosquée pour apprendre l'ilm ou la ni enfin le zahir c'est qu'elle fait pas ce genre de choses. نعم. Mais comment elle a su ça? Parce qu'elle était dans un environnement islamique sahih. Soit c'est son maître, ben c'est un compagnon, tu vois. Sa maîtresse, pareil. Ça veut dire qu'elle était entourée de ce genre de masael. Donc elle a connu ces points par rapport à cela. قال الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء في عقيدة في عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن وفي غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد العقيدة الإسلامية فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا. Il dit, la plupart des communautés à l'heure actuelle dans les pays d'islam, ils sont plus sur la aqida islamique, yani sahih. Ça veut dire celui qui vit dans ce genre de climat, lui il est pardonnable bil-udr, yani il est pardonnable bil-jah. Maintenant là tu vas à Misr, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les tombes, awliya. ينظرون لهم ويذبحون لهم. Si on prenait le قول الأول comme quoi لا يعذرون بالجهل ستكفر كثيرا من الناس. Ça va rendre méchant beaucoup de gens. نعم. طيب قال لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد فيها فاشية منتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه أن يكون أو أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي فيه الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة وهل هي درست القرآن وهل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك مما يستبعد عادة من راعية غنم لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. نعم فهذا كلام نفيس جدا الإمام الشيخ الألباني يتقسم ويتسبيك que même les terres d'islam aujourd'hui qui sont appelées des terres islamiques elles sont plus pour beaucoup d'entre elles sur une aqida naqiya pure comme au temps des salaf. نعم. Ça veut dire que ceux qui vivent dans ce genre d'endroits, ils sont encore excusables des jahlim. Ils sont encore excusables à cause de leur ignorance. ثم قال وإذا ضممنا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها. Bon, là il va évoquer une mas'ala, on peut s'en passer. Toutefois, c'est bien de l'avoir même. Donc, il dit, et ceci sans qu'on rajoute le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne m'appartient pas de châtier quiconque avant de lui envoyer un messager. Il dit, si on prend ce verset et qu'on comprend d'une bonne compréhension, et pas comme la compréhension une compréhension pure et simple, c'est-à-dire de son apparent. يعني فهما جامدا كما انا بدي كما لا كومبرهنسيون دي ظاهريه وامامهم اسمه داوود الظاهري. نعم فهؤلاء مثلا يجن دو سي جون دو فيرسي دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دي دونك دي مومون كو لو ميساج د الله il n'était pas venu à toi en propre en personne alors la hujja n'est pas ma qimat عليه. طيب لحظة الذي في بلد الكفر لا يسمع آية من القرآن ومن الذي لا يعذره بجهله كيف ما فهمت الذين لا يسمعون من آية الله ولا من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار لا هم من المسلمين. ايه بس نحن الآن نحن في نواقض الإسلام. نواقض الإسلام معنى ايش؟ شخصا يدعي الإسلام ويخرج حرب. لا نحن ما لنا من الكفار الأصليين ceux qui sont mécréants يعني de base ça ما لنا منه. نحن في نواقض الإسلام c'est-à-dire la personne elle fait la shahada la ilaha illallah ثم بعدين elle vient avec des choses qui annulent cette shahada. مفهوم؟ فهمت الفرق؟ طيب لأن الآن الكفار يعني مهما يعني ماذا بلغتهم أن هناك نبي يدعو إلى كذا وكذا. عرفت؟ كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا ماذا كان مقعده من النار أو نحو هذا الحديث. عرفت؟ Il n'y a pas quelqu'un qui entend parler de moi, que ce soit un juif ou un chrétien, et qui ne croit pas en moi et en ce que je suis venu avec, c'est-à-dire en mon message, sans que, madame, sans que sa place soit au feu de l'enfer. Non. لكن الآن هذه المسألة العذر بالجهل لمن يدعي الإسلام للمسلمين. يعني quelqu'un يدعي الإسلام il dit que je suis ignorant, je ne savais pas. عرفت؟ فهذا يعذر بجهله مع كونه يعني مسلم يعني ظاهرة. عرفت؟ لكن الظاهرة في كثير من الناس لا هو الإسلام، يتشبهون بالكفار ويذبحون لغير الله، وهذا الظاهر لا هو الإسلام. يعني تقصد المسلمين الذين هم يدعون الإسلام ثم يتشبهون بالكفار ويفعلون ويفعل عمل الكفر. أيوة. لكن يشهدون أن الشهادة لكن في العمل قليل من الإسلام. إيه صح صح صحيح. لكن القول هنا نحن في هذا الكتاب نركز على ماذا؟ ما على الكفار الأصليين. الكفار الأصليين هذا أمرهم آخر، أمرهم آخر. أما الذي يدعي الإسلام إذا نريد أن نقول أنه على غير الإسلام وكذا هل يعذر بالجهل وكذا، فهذا بابه. عرف؟ c'est pourquoi les savants ils ont dit quoi. Il n'y a pas de خلاف بين أهل العلم sur le fait que il pardonne ou ils disent qu'il est excusable s'il est né loin dans une bilade où il n'entend pas parler de il n'entend pas parler d'islam. C'est-à-dire aussi il est né s'il vit dans une bilade où il n'entend pas parler d'islam. Mathalan, l'Alaska ou des coins comme ça. Alors, en France, je pense que dans une campagne, il y a beaucoup de gens qui peuvent entendre parler d'islam. Le mot islam, ce qu'ils vont dire de l'islam, c'est l'inverse de l'islam. إيه نعم. إيه فهؤلاء يعذرون. يعذرون. من المسلمين أقصد ها؟ لا لا لا من الكفار. لا الكفار شيء ثاني. لا لا الكفار شيء ثاني. لأن بمجرد أنك بس كلام فوق ما ما فهم الفرق. وين المسلمين؟ المسلمين كسرنا هذا. أوه نعم نعم. نعم نعم المسلمين. بحسب كأي دي يفعل شهادة لا إله إلا الله. Parce qu'en fait, tous les savants, quand ils parlent de cette masala-là, ils évoquent des musulmans. Oui, tu vois la personne, mais... La shahada, parce qu'elle est dans une terre d'islam. La personne n'est pas dans une terre d'islam, on lui a jamais parlé de la shahada. طيب, طيب. هذا حكمهم الفطرة, أصحاب الفطرة. نحكم عليهم بالظاهر أنهم كفار. وإذا ما أتوا فعلا بينة من الله عز وجل في هذه الدنيا, فهم يمتحنون في الآخرة. Tu vois, ceux qui n'ont rien, ils n'ont rien reçu, ils n'ont pas entendu un mot de l'islam. Alors, فهؤلاء, on les appelle Ashab al-Fitra. Ceux, Fitra, c'est يعني, بالتاء. بالتاء. La nature. Non, non, non, non. La Fitra, بالتاء, c'est la prime nature. Ashab al-Fitra, Fitra. C'est avec un ta, avec un ta. Pas le pas. Non, c'est en fait, c'est Ashab al-Fitra. Al-Fitra, c'est le temps où il n'y avait pas de prophète. Alors, ben, ces gens-là qui sont nés pendant un temps où il n'y avait pas de prophète, où la personne, elle était sourde, elle était folle, ou quoi, ça veut dire au moment où il y a eu un prophète, ou au moment où... فَهَاُلَا يَمْتَحِنُونَ فِي الْآخِرَةِ. Ceux-là, ils seront éprouvés dans l'au-delà. On leur demandera de rentrer dans un feu, dans le feu de l'enfer. Celui qui obéira, il trouvera le feu bardan wa salama, et celui qui désobéira, il sera jeté à la ra'sihi fiha. Non. Donc ensuite, Et pour les musulmans qui sont dans les terres loin de la croyance authentique, et si ils meurent dans une, sur une grosse erreur, ils ont dit, les savants ils ont dit quoi? Parce qu'il est. Non, mais s'ils meurent dedans, quoi? S'il meurt dedans, il est excusable aussi? نعم إذا اسكذب إن الله سبحانه يعني إن الله تجاوز لي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وماذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه الآيات وآيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ على الجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول Donc, ils sont pardonnables. Et t'as le verset, t'as le hadith de la personne qui a douté dans la capacité d'Allah de réunir ses membres et son corps après sa mort. Tu vois, Allah, il a rassemblé après sa mort et lui a pardonné. Donc, lui, là, il va expliquer, sur l'Albani, il explique comme quoi nous, on ne prend pas le verset « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » On ne le prend pas d'une manière apparente, c'est tout. C'est-à-dire, c'est obligé qu'il y ait un messager du prophète, d'Allah Azza wa Jal, qui vienne te voir jusqu'à ce que tu crois. C'est pas ça le sens du verset. Parce que là, la plupart d'entre nous, on a cru en Allah Azza wa Jal sans qu'on ait vu le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ça, voilà. Le kathir. Donc, le but du verset, c'est quoi? C'est... يعني حتى يصل إليه دعوة الرسول le prêche du prophète عليه الصلاة والسلام c'est pas sa personne en lui-même نعم قال نعم طيب وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى حتى نبعث رسولا أي أن كل جماعة وكل طائفة وكل عصر يأتيها رسول قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول donc chaque époque soit cette époque elle peut يعني il peut y avoir dans cette époque un messager hein ou soit le prêche de ce messager. Ce n'est pas forcément le messager en lui-même qui sera là pour... Al-An, c'est la da'wah du prophète, alayhi salatu wa salam. Qala, al-muhim, idan, anna al-aya laysa ta'ni faqat shakhs al-rasoul, wa innama ta'ni da'wah al-rasoul. Wa min al-adilla ala dhalika anna al-rasoul, alayhi salatu wa salam, qad ya'ti qawman, fayakounu fihi al-majnoun, wa yakounu fihi al-masru'. ويكون فيه غير البالغ والأصم وإلى آخره وهؤلاء جاءهم الرسول ولكن ما جاءتهم دعوة الرسول et pour prouver que pour prouver cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pu venir vers des peuples qui sont ou des personnes qui sont folles pris de folie ou évanouis dans un coma profond ou voilà qui n'ont pas atteint la puberté ou qui sont sourds et muets. Ces personnes-là, on dit que le prophète, il est venu, le messager leur est bien parvenu, lakin, le prêche de ce messager, il ne leur est pas parvenu. Na'am. Fa da'wat al-rasul hiya al-asl. C'est ça la base, en fait. Na'am. Walakin ma ja'athum da'wat al-rasul wa'ala al-asl min dhalik. Amthaluna nahnu أتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة donc celui qui lui parvient le prêche du prophète عليه الصلاة والسلام d'une manière pure hein et véridique, alors certes, lui sera parvenu la hujja, la preuve. وَلَا يُعْضَرْ مِنْ هُنَا Et il ne sera pas excusable نعم il ne sera pas excusable. ثم قال انا قلت اكثر من مره ان كثيرا من الاوروبيين والامريكيين الذين يفتنون المفروض يفتنون نعم يفتنون الذين يفتنون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القادانية القادني أو القادية القاديانية نعم القاديانية ما هي هذه الفرقة لا ما القاديانية يعني هي فرقة من فرق المهم le chéri, c'est qu'il dit que beaucoup de personnes qui vivent en Europe ou aux États-Unis sont éprouvées par des prêcheurs égarés du kitab et de la sunna. C'est-à-dire ils sont égarés du kitab et de la sunna. Et pour vous donner un exemple, il dit le groupe des Al-Qadaya, hein? Al-Qadayi, hein? القديانية نعم المهم celui qui connaît ce texte là et qui nous rapporte des informations sur elle on a القديانية طيب لأن هؤلاء من طوائف التي لها نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم. parce que ce groupe là ils ont de l'effervescence et une ferme motivation dans leur prêche. نعم. ولذلك فقد استطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخره. Donc il dit que cette secte a eu de l'effet sur beaucoup de personnes en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. نعم. وترى وها هنا. هنا في صفحة. طيب. طيب وهنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا دعوة القاديانية هل بلغتهم حدة الإسلام؟ donc il dit ce qui nous intéresse là c'est ceux à qui leur est venu le prêche de cette secte là. est-ce que leur est venu le prêche de l'islam؟ لا نعم الجواب لا بلغتهم حجة القاديانية وليست حجة الإسلام فلله حجة البالغة وهي مناط التكليف إيجابا وسلبا فالضابط إذن بلوغ الدعوة الصحيحة إلى الأفراد فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا نعم donc le ce qui est important le truc la chose qui est importante c'est que la personne lui parvienne la دعوة du prophète عليه الصلاة والسلام نعم وهو الكتاب والسنة نعم طيب لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد. mais ce qui va réglementer le sujet c'est le fait d'observer l'environnement dans lequel se trouve la personne. نعم فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والمترودية وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية نعم وما كان عليه السلف الصالح فهذا قد أقيمت عليه الحجة donc celui qui a atteint ou qui est dans un environnement islamique sahih il entend tous les jours les rappels, droite, gauche. Et il est en proximité avec la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Fahala, faqad uqimat alayhi al-hujja. Naam. ثم قال وكذلك هذا كلام جميل وهذا قيمة عليه الحجة ولكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم et ça c'est Cheikh Al-Albani il dit mais ce que je pense ou ce dont j'ai la ferme conviction c'est que ces gens sont très peu dans le monde des gens qui لا يعذرون بالجهل et ils sont dans un environnement authentique. Et ils sont dans un environnement, ils sont très peu. ولكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله. Ou plutôt, ils pensent Ahl-Sunna, ils sont très peu dans la communauté islamique. نعم. ففي اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا على سؤالك. المهم أنتم تحفظون أن المسألة خلافية وأن منهم من قال لا يعذر بالجهل إذا كان ناشئا في بلاد الإسلام وكثير من العلماء على هذا القول. Beaucoup de savants ils sont sur cette parole. Beaucoup. طيب. Mais la ville plus authentique, c'est comme on va le citer là, c'est la deuxième parole. C'est-à-dire que يُعْذَرْ بِالْجَهْلِ حَتَّى وَنْ كَانَ نَاشِئًا فِي بَلَدِ إِسْلَامِيَ مَادَمْ أَنَّ الْجَوْ مَا هُوْ جَوْ إِسْلَامِيَ صَحِيَ. Donc du moment qu'il n'est pas dans un environnement islamique authentique, même s'il est dans une terre d'islam, il est pardonnable et il est excusable par son ignorance. Maintenant, comment on fait le jam' entre ça et le masalat sabbullah? Parce que masalat sabbullah, il n'y a pas beaucoup de savants qui ont dit yu'dhar bil jahl. Qui ont dit qu'il était, même Cheikh Al-Uthaymeen, à l'alcool, il voit qu'il n'est pas excusable bil jahl. Non. Donc, katabna, wa tahqiq. أن إقامة الحجة يتوقف عليه الحكم على المخالف سواء كان في المسائل الظاهرة أو الخفية لعموم الأدلة في ذلك ولعدم وجود دليل صحيح صريح يعارضه. Donc là c'est le خلاصة. Là on vous donne le résumé de la مسألة. Et c'est quoi le صحيح? Tu vois, en prenant toutes les paroles des gens de science, la plupart des gens que vous avez qu'on a cités. Donc, le sawab, c'est que Iqamat al-Hujja, c'est un shart. C'est une obligation, c'est une condition dans le fait de rendre une personne mécréante. C'est une condition, même si c'est cette personne-là, elle a interdit cela. Ou même si cette personne-là, elle a contredit des choses qui sont claires. Waouh, ouais. Ça va? Voyez. Après, pourquoi? Parce que la plupart des adillas, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ. Ils sont globales. Ils englobent même une personne qui est en terre d'islam. Et qui vraiment été ignorant. Non. Wa kadhalika, ceux qui sont de l'autre avis, ils n'ont pas de preuves authentiques claires qui indiquent que la personne n'est pas excusée. Illa timana. Sauf dans une mas'ala. C'est laquelle? Sabbullah. Sabbur Rasul. Alayhi salatu wa sallam. Comme on a vu. Au début. Ils sont venus avec le verset de Surat Tawba. وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ. Donc en fait, يعني, قلنا لِعَدَمْ وُجُودْ دَلِيلٍ صَحِيحٌ صَرِيحٌ يُعَارِضُهُ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا كالإلحاد والاستهزاء بالله وشرعه أو سب الله وشرعه. فهنا قد يعمل بالقرائن الواضحة. Donc ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle sabbe Allah, elle insulte Allah ou elle insulte sa religion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on kaffar direct? Est-ce qu'on a le droit de kaffar direct? Hada, lana dalil, on a un dalil. C'est venu bin Sarah, Auf ibn Malik, qala, kadabta, innaka munafiq. Wal munafiq, al-nifaq huna, al-i'tiqadi. Dans ce récit qu'on a déjà vu. Le compagnon Auf ibn Malik, lorsqu'il a entendu cette personne insulter le prophète sallam ainsi que les autres compagnons, il lui a dit: tu mens, mais tu es certes un munafiq. Et le prophète sallam, il n'a pas un quart sur cette personne-là. Donc est-ce que celui qui est subhullah, nous kafferons? S'il a la raison de tout ça. Yani, nous, dans l'œil, خلاص, on dit qu'on est des gens de science. Ouais. Qu'on a la possibilité de rendre mécréant. Et aussi, yani, toutes les conditions, elles sont là. Toutes les conditions, elles sont là. Est-ce qu'on le kaffar mubasharatan ou on lui fait qamat al-hujja? Al-mutlaq ou al-mu'ayyan? Al-mu'ayyan, al-mu'ayyan. Qu'est-ce qui se passe? Si tu me dis on le kaffar direct, falaka adillah. T'as des délits. Lakin, elle me sait, comment on doit s'y prendre? Bil amal, bil qara'in. On doit œuvrer avec les indices. Comment il est de base? Les indices, mais yani, est-ce que c'est par exemple, s'il vient à dire Ali ou Allah, il vient à dire une kalima, et toi tu sais que par exemple il fréquente Shia, Rafida, ou Kedah. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est des indices, la fréquentation de la personne. Ou le fait aussi que la personne elle parle d'une manière où elle n'est pas forcée. T'as des indices qui montrent ça. D'une manière qui évolue. T'as des indices qui montrent ça. Tu vois, le fait aussi de savoir si elle est aqil baligh. Tout ça, t'as des indices. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, en fait, tu vas œuvrer avec les indices. Al-amal bil-qara'in. Na'am. Maintenant, si tu as... Yani, طيب. فهنا قد يعمل بالقرائن الواضحة الجليلة. الجلية. فيطلق الحكم على ما دلت هذه القرائن. والعكس. Donc, le jugement il va tomber en fonction de ce qu'indique ces qara'in. Ce compagnon-là, lorsqu'il a su que cette personne-là, elle fréquentait ou elle était avec les munafiqin, atlaqa alayhi al-hukm. Il a direct fait descendre sur lui le jugement, que c'était un munafiq, avec ces indices-là. Na'am. Taïb, maintenant, si tu n'as pas d'indice, qu'est-ce que tu as fait, Yahya? Ma indak ayi bayina. Est-ce qu'il t'as aucun indice qui montre qu'il l'a dit volontairement ou involontairement, qui montre qu'il l'a dit malin, qu'il est pubère ou quoi, ou t'as aucun indice, al-muhim. C'est quoi l'as? Qu'il est muslim. Ou alors il est venu avec sabbullah. J'ai pas d'indice. Et t'as aucun indice. Je sais pas si quelqu'un l'a menacé de mort ou quoi. Voilà, tu n'as aucun indice. Il est devant moi ou... Il est en face de toi. Bah déjà, j'ai des indices, je sais qu'il est... Mais fais comme si tu n'avais pas d'indice. S'il est devant moi, c'est autre chose. Si on me rapporte l'histoire, je reste sur le A, mais s'il est devant moi, il n'a pas d'autre devant moi. Pour moi, c'est clair. Ah, et tu as une lacque, Barhan? Tu n'as aucun indice, qu'est-ce que tu as fait? هذا الذي نريده. سيد اخوة الاصل نغبين اخوة ومن اقامة الحجة حتى نسلا سيتم ديك الكفار لك ادلة هذا دليل شو ان بيرسون يبدي غير لكم خير لكن مسكي احوص واسلم que tu reviennes à Iqamat al-Hajjah. T'as aucun qara'il, t'as aucun indice qui montre quelque chose. Alors, fais-lui Iqamat al-Hajjah. الآن بس كي لا فو في كمكان كي يسب الله سب الدين أمي سد مثلا هي ملحقة مع بعض اللي كل لوط ثاني فلوس لا سب الله سواء صار صغار كي تبغى تخوي انتقسن كي انشط الله يعني مسلمة وتسوي شو كده بسب الدين مثلا أيوة لكن كيف تعمل إما بالقرائن أو إما ترجع ستفاو تأوكن قرائن مثلا تنطن عن خير مثلا كم معروف في الجزائر دينموق مثلا أو شيء هذا الكلام وهذه كلمات تبانطن يعني في الشارع وفي يعني في كثير من الأماكن هل تدرك تدي هذا خوف عن تكاثر ولا شو؟ C'est-à-dire là, tu vas ouvrir avec les Qara'in. Qara'in, tu vas voir dans ce pays, bon, voilà, ils sont éprouvés par ce fléau. Ils le disent sous l'effet de la colère, mais sans chou'ur, prendre en considération que là, ils sont en train d'insulter la religion. Tu vois ce que je veux dire ? Fahada yuqim alayhi al-hujja. Tamam ? Hatta, une fois qu'on a iqama ce... حتى لقصون لي في إقامة الحجة إيش بقي؟ ما بقي شيء. ما بعدين إذا التمر وقال دين كذا والسب يعني حكمه هو ها. عرف؟ أيوة. نعم. c'est pour ça que là. Tu es obligé de voir un bayan avec la personne. Mm. Après le bayan, une personne peut dire ça. Là, bayan, ma la ouaj. Le bayan, il y a un combe mana. Bil kitab ou sunna. Alors, tu bayan. Anna sabbullah, kouf. Ou anna sabbuddin, kouf. Kouf. Yani, t'as dit bil aya. Ou la billah, ou ayati, ou rasouli. Kuntum tahtazioun. Ou ala, istihza. Ou l'istihza, non, ou minastab. لكن السب أسرع سيكون encore plus clair tu vois les insultes tu te moques mais bon peut-être y a pas tandis que l'insulte est encore plus élevée encore نعم فتبين هذا وإذا استمر خلاص ما بالله يرسل في دون دائرة الإسلام طيب طبعا أنت t'es pas la personne qui va rendre la personne méfiante. Mais quand on dit ça, maintenant même tu es dans un badia. Là je vous donne deux exemples. Quelqu'un il est en Algérie, il insulte Allah ou il insulte la religion. On fait Iqamat al-Hujjah. Par exemple, Abdelrahman il fait Iqamat al-Hujjah. Abdelrahman il dit l'akh, après que. Est-ce que Abdelrahman il a le droit de dire de la personne, après qu'il est nafar, et que la personne elle est continue, que c'est un kafir? لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى العلماء وفي الجزائر من يغطي يوم الجري يا suffisamment de personnes de science. Mais c'est pas quand on dit علماء ça veut pas dire علماء يعني بمعنى الكلمة. C'est quelqu'un de science comme on a expliqué. Quelqu'un qui connaît يعني يعرف المسائل يعرف في اللغة يعرف في الأصول يعرف في ماذا في النحو يعرف أمور كثيرة. Tu vois, il doit connaître dans chaque matière de la religion, il a une connaissance. Une fois qu'il a atteint ce stade-là, ça y est, c'est quelqu'un de science. Il peut juger. أما نحن, nous à notre niveau, c'est pas sans doute ça. لكن إذا كنا في بلد ما فيها علم. On est dans un pays où il n'y a pas d'ilm. Il n'y a pas de رجوع إلى العالم ولا. Même un ittisal, le fait que tu appelles un savant, c'est صعب. فهنا لا كذلك. فدان ce genre de situation, il te sera peut-être permis de proclamer cela si toutefois tu vois qu'il y a une maslaha. Par exemple, que cette personne-là, ce qu'elle fait, elle peut entraîner du monde avec elle. Mais lorsque tu viens, tu dis, hada kafara billah, ou c'est hada kuf, ou hada kafir, ou kada, zajran linnas, ça fait fuir les gens de son, de cette affaire, fala ba'sabi. Wa lana adilla. Et on a des dalils. Toujours, il faut être toujours caché derrière un dalil. La natakaddam illa bidalil. Illa bidalil. Fa Sheikh al-Udaymin, qu'est-ce qu'il a dit sur la parole des gens qui ont dit la yu'bar bil jahl. قال أدلتهم ضعيفة وساق بعد ذلك أربعة وخمسة آيات من الكتاب من الكتاب والسنة والشيخ ابن باز يقول الذي يقول بكلام يعني بكلام الشيخ العثيمين il a pas dit بكلام الشيخ العثيمين لكن le sens de sa parole ça va dans ce sens là فقال هؤلاء جهال ليس لهم علم. Donc c'est vraiment un khilaf qawi. Tu vois, c'est vraiment un khilaf qawi. Là. Quand il répond, il répond à une question. Après, les ulama, ils ont entre eux, ils ont un respect agib. Ou le Cheikh Ibn Baz, c'est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen, si tu verrais comment dans, j'ai un livre où il y a des courriers qui sont... C'est un livre qui évoque les courriers qui sont envoyés. Les ulama de l'époque de Cheikh Ibn Baz, tous les courriers qu'ils lui ont envoyés, et ça a été choisi et tout, et tu vois comment Cheikh Al-Uthaymeen il parle avec Cheikh Ibn Baz, tu sens que vraiment il y a un respect agib. Non, lui il a répondu à la question Cheikh Ibn Baz, lakin il sait que c'est une masala où il y a un khilaf, le khilaf il est qawi jiddan. Ou Cheikh Mourbil, pareil, il dit adillat al-qa'ilun بعدم العذر بالجهل أدلتهم ضعيفة ليس لهم أدلة ناهضة يعني ils ont pas de dalil qui font lever le qui sont vraiment qui puissent te faire avancer. C'est-à-dire leurs dalil ils sont faibles encore, tu vois. Tu peux trouver quelque chose pour les contredire. المهم vous retenez ça. العمل بالقرائن بقي شيء فقط. العمل بالقرائن. Le fait de vrai avec des indices. هل هذا من شرعنا يا أخانا القارئ؟ حفظك الله. Le fait de vrai avec les indices. Est-ce que ça fait partie de notre législation? Ah, c'est le délit. C'est le marché pour le salaire. لك الآن تقولك سي با فاسيل دي فوا دو تستحضر الأدلة لكن نساعدك إذا أحببت إن شاء الله. عندك آية في سورة يوسف أو آيتان سورة يوسف قصة الدماء الكريم. أيوة قصة ماذا امرأة العزيز. نعم. وكذلك قبل هذا celui qui me sort de سورة يوسف une preuve, bon, قصة امرأة العزيز on avait déjà parlé. بدم كذب. نعم. Ils sont venus avec un vêtement. Le vêtement, sur le vêtement il y avait du sang. طيب, mais le vêtement il n'est pas déchiré. Qu'est-ce que Ya'qub en a compris? Que c'est un mensonge. C'est un hukm, là, c'est pas un hukm. C'est un jugement. Ah voilà, Kaddabi. Il a su que c'était des menteurs. Mais même s'il ne leur a pas dit, il a su que c'était des menteurs. Et comment il a su? Avec les indices. Naam. Après, quelqu'un peut dire, oui, mais ça, c'était au temps de Yusuf. Wa hunaka qa'ida usuliya qui dit que shar'u man qablana شرع لنا ما لم يأتي في ذلك دليل. Les législations des gens d'avant sont une législation pour nous du moment qu'il n'y a pas une preuve du Coran ou de la Sunna. نعم. وأدلة أصرح من ذلك sur le fait qu'on peut œuvrer avec les indices. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب تستأمر والبكر يعني علامة رضاها سكوتها. La femme vierge, lorsqu'elle est demandée en mariage, la femme vierge, lorsqu'elle est demandée en mariage, comment tu vas savoir qu'elle est d'accord? Parce qu'elle se tait. Hada, c'est un indice. Bunya ala hada, al-zawaj. C'est sur cet indice-là, on va baser le mariage. نعم أحسنت كذلك هذا يدخل في هذا الباب نعم أحسنت وكذلك الصحابة كعثمان كما نبي ils étaient de l'avis que lorsque عثمان était calife il faisait fouetter les gens qu'ils étaient retrouvés qu'on avait retrouvés en train de vomir. Pourquoi? Parce que le vomissement, ça indique le fait qu'il a bu. Non. Alors, ça montre bien que dans cette législation, on doit, où il est permis de œuvrer avec les preuves, avec les indices. Ça va? Wa ila huna wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah,